La Russie et la Chine mettent en avant leur unité face aux turbulences internationales. Vous disons tout dans ce numéro. La Russie et la Chine ont montré le 22 février 2023 leur entente et leur volonté d'approfondir leurs relations au moment où Pékin cherche à intervenir en tant que médiateur dans la crise qui intervient depuis plus d'un an aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. La Chine, proche alliée de la Russie, elle cherche à rester prudente sur la campagne militaire en Ukraine après avoir exprimé à plusieurs reprises son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Pékin a également accusé Washington d'être à l'origine de ce conflit et de l'alimenter par un flux ininterrompu de livraisons d'armes à l'Ukraine. Afrique Média, le monde, c'est nous.